Unité 1, rencontre. Ouverture 1. Bruit de fond. Page 16, activité 1. Écoutez. Associez les bruits de fond entendus aux photos.